Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à demain. C'est depuis la ville donc de Gatineau et le campus de l'UQO, l'Université de Québec en Outaouais, que nous vous proposons toute cette semaine une série de méthodes scientifiques ouvertes sur la recherche francophone à travers le monde à l'occasion du 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour les savoirs, qui a eu l'extrême gentillesse de nous inviter à rendre compte des échanges vifs et passionnants qui vont se tenir tout au long de cette semaine ici. Et pour commencer, quelle place pour la recherche francophone dans un monde majoritairement dominé par les publications en anglais, ou pour le formuler différemment, le français est-il encore une langue de science ? Peut-on encore faire de la science en français ? C'est le programme linguistique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique au 87e congrès de l'ACFAS. Et pour débattre de cette épineuse question qui soulève, comme vous allez certainement l'entendre dans les prochaines minutes, de nombreuses passions, nous avons le plaisir de recevoir ici donc sur le campus de l'UQO à Gatineau, Lynne Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ACFAS, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec. Valérie Lapointe-Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire à la faculté Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Éric Moutabazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur et maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest. Et Gratien Allaire, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université Laurentienne et spécialiste des minorités canadiennes. Ce n'est pas parce que nous sommes au Québec que vous ne pouvez pas continuer à nous suivre, eh bien évidemment sur les ondes de France Culture, mais en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons, comme tous les jours, poster un certain nombre de liens vers eh bien, les études ou des compléments d'information de ce qui sera dit autour de cette table. Et pour commencer, eh bien, Lynne Sauvageau, je me retourne vers vous. L'ACFAS vient de lancer la semaine dernière, le 22 mai, une étude sur la réalité des chercheuses et chercheurs francophones et francophiles travaillant en contexte minoritaire au Canada. Pourquoi cette étude, pourquoi était-elle nécessaire ? Oui, elle était nécessaire parce qu'on connaît en fait assez peu qui ils sont, ces chercheurs, où est-ce qu'ils travaillent, ce qu'ils font, et pas seulement les chercheurs qui travaillent sur en milieu minoritaire sur ces questions-là, mais bien sur l'ensemble des chercheurs francophones et francophiles d'un océan à l'autre, comme on dit au Canada, et donc tous ceux qui font avancer la science, les connaissances en français, mais qui travaillent pas toujours en milieu francophone où ça c'est soutenu. Donc on avait besoin de mieux connaître leurs besoins et de mieux les connaître. Alors, on a une chercheure ici, en fait, qui est associée à cette étude. Valérie Lapointe-Gagnon, c'est vrai que quand on lit un peu hein, les motifs de cette étude, on voit plein de choses qui paraissent un peu surprenantes quand on ne s'y est pas penché auparavant. On voit que non seulement il y a un certain manque de données autour de cette communauté francophone, qu'il y a par ailleurs évidemment une surcharge de travail en traduction et que ça conduit pour une partie à l'exode des cerveaux. Pourquoi ? En fait, c'est une réalité qui est assez complexe et qui est invisible parce que, bon, beaucoup de chercheurs sont capables de s'exprimer très bien en français, mais travaillent dans des grosses universités anglophones à l'extérieur du Québec et ne sont pas encouragés ni à s'exprimer, ni à publier en français. Et bon, on voit par leur nom, on se doute qu'ils peuvent peut-être parler français. Et quand on est capable d'entamer un dialogue, on voit qu'ils ont une réalité particulière. Des fois, bon, ils voudraient diffuser leur recherche en français, mais est-ce que c'est reconnu par leurs établissements universitaires, qu'on est à une ère où l'impact factor, le facteur d'impact des articles, la façon dont on va être cité, dont on va être lu, dont notre recherche va rayonner, est ce qui compte pour avoir les promotions. Donc, il y a cette réalité-là, et il y a aussi la réalité des chercheurs qui travaillent en francophonie canadienne. Parce que, bon, il y a le Québec, mais il y a aussi toute une francophonie très riche au Canada que je découvre depuis 4 ans, et j'aurais dire que j'ai le bonheur de découvrir depuis 4 ans. Je travaille à Edmonton, une ville qui, de prime abord, est anglophone, dans une province qui a souvent résisté contre le bilinguisme. Et j'enseigne, il y a près d'un millier d'étudiants à la faculté Saint-Jean. Et donc, ces étudiants-là, comment est-ce qu'on les connecte à leur histoire, à leur parcours? Et est-ce qu'on peut leur faire lire aussi de la recherche en français? C'est important parce que s'ils veulent voir l'intérêt de cette recherche-là, il faut qu'elle soit diffusée dans cette langue-là qui est souvent leur seconde langue. Donc, s'ils ne veulent pas être toujours obligés de se tourner vers l'anglais, ça devient intéressant de le faire, puis de connaître la réalité aussi des chercheurs qui sont confrontés à de multiples défis. Et ça, on pourra sûrement y revenir, puis M. Allard pourra ajouter là-dessus, parce qu'il y a défis de financement, défis de rayonnement, défis de rencontre avec les communautés. Est-ce qu'on veut plaire à l'administration universitaire, puis justement publier dans des revues avec un gros facteur d'impact, ou est-ce qu'on veut se connecter à la communauté? Est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Je le souhaite. Et on reparlera évidemment de la place des revues et des principales revues à facteur d'impact qui sont des revues anglophones que tout le monde connaît, Nature, Science, The Lancet, pour ne parler que des trois premières, et il y en a plein d'autres. Gratien Allaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, à l'orée de l'année 2020, y compris ici au Canada, la recherche francophone est menacée, qu'elle l'est plus qu'elle ne l'était naguère? Je pense qu'il faudrait faire un certain nombre de distinctions dans ce cas-là. Entre les variétés de sciences, si je peux appeler ça comme ça. Et plutôt que science, j'aimerais mieux parler de savoir. C'est évidemment l'association du savoir. C'est la face, la science. Mais il y a une différence entre les sciences naturelles, le génie, et les sciences sociales, ce que moi j'appelle les sciences humaines, pour comprendre à la fois les humanités et les sciences sociales, et ce que j'appelle aussi les sciences professionnelles, c'est-à-dire l'éducation, service social, sciences infirmières, et puis on pourrait placer la médecine également. Ces catégories-là, en soi, demandent moins ou plus de publier en français. Ou en anglais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Valérie, dans le sens que si on veut rejoindre l'auditoire scientifique ou l'auditoire du savoir pointu, la lingua franca est devenue l'anglais. Et puis, on peut toujours essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais c'est un mouvement de très longue haleine, si on peut y arriver. Et évidemment, ce que l'ACFAS fait est important dans ce sens-là. Mais lorsqu'il s'agit de communication, lorsqu'il s'agit d'enseignement, là, à ce moment-là, et c'est ce que dit Valérie également, à ce moment-là, dans tous ces domaines-là, la langue française est nécessaire. Elle est utilisée. Autrement, il n'y a pas d'enseignement. Autrement, il y a au niveau de l'application, ça devient important. Au niveau de la diffusion du savoir, de la verbalisation auprès du public, je pense que à ce moment-là, le français est absolument essentiel. Et c'est ce qu'on oublie assez souvent lorsqu'on parle d'anglicisation du domaine du savoir, c'est qu'on pense généralement à la recherche de pointe, qui elle utilise comme moyen de communication l'anglais. J'imagine mal un cosmonaute russe communiquer en français avec un cosmonaute canadien ou américain. L'anglais est la langue de communication. Par ailleurs, les cosmonautes utilisent beaucoup le russe aussi, puisque jusqu'à preuve du contraire, les vaisseaux Soyouz par lesquels ils partaient étaient tous écrits en russe. Peut-être un mot, Lynn Sauvageau, justement sur aujourd'hui, sur cette évolution. On sait, et plusieurs études en attestent, que compte tenu de l'évolution démographique de l'Afrique, la langue française va gagner petit à petit en locuteur. Il est probable que d'ici quelques dizaines d'années, la langue française devienne la deuxième langue la plus parlée au monde. Et paradoxalement, on a le sentiment que, et on reviendra sur les différents domaines scientifiques, mais que l'anglais aujourd'hui est effectivement devenu la langue des savants, comme naguère fut le grec, l'arabe, le latin et le français. Comment faire pour essayer de rétablir cet équilibre? Est-ce qu'il est important de le rétablir? Est-ce que ce que fait l'ACFAS, puisque c'est l'un de ses principaux sens de travail? Oui, en fait, peut-être sur l'Afrique, je pense que c'est le bonheur. Moi, j'ai appris ça récemment, qu'effectivement, on aura la plus grande croissance de locuteurs en français et qu'elle viendra de l'Afrique. Je pense que c'est une excellente nouvelle et c'est une excellente nouvelle pour les sciences aussi. Par ailleurs, pour ce qui est peut-être de l'importance de l'anglais ou de cette... Effectivement, je pense qu'il y a une langue de communication scientifique. Les chercheurs, en fait, doivent communiquer entre eux. En ce moment, l'anglais est la langue de communication scientifique privilégiée dans plusieurs domaines. Mais je pense que ce serait vraiment une erreur très, très grave que de penser que parce que c'est une langue de communication scientifique, qu'elle devrait, en fait, qu'on devrait lui accorder toute la place, au contraire. Donc, je pense qu'on a besoin de continuer à parler français parce qu'on a des partenaires, parce qu'on a des collaborateurs, parce qu'on a des jeunes qui doivent faire de la science. On a aussi, j'ai l'impression, je pense qu'on abdique peut-être un petit peu vite aussi sur la question de la diffusion en anglais, parce que il y a des recherches menées au Québec par messieurs Gingras et Larivière qui montrent que, à force de publier ou en publiant uniquement dans des grandes revues britanniques et anglo-saxonnes ou britanniques et américaines, en fait, on publie dans les revues nationales de ces pays-là qui ont des intérêts nationaux et on assiste à une espèce de dérive des objets scientifiques. Et ça, je pense que ça devrait attirer notre attention. Il faut préserver notre capacité aussi à communiquer par écrit en français. Et on peut rappeler effectivement que, par exemple, Nature est une revue britannique, Science est une revue américaine, The Lancet est une revue britannique et qu'effectivement, il peut y avoir, on en a parlé à ce micro, des enjeux nationaux autour de ces publications. Éric Moutabazi, un mot autour justement de peut-être ce distinguo que vient de faire Lynn Sauvageau qui est intéressant entre l'anglais comme langue de communication scientifique et puis ensuite les différentes langues de recherche qui peuvent être ou non traduites, mais il y a un distinguo à faire entre langue de communication et langue de recherche selon vous ? Oui, je pense qu'il y a une façon de faire la différence entre la langue de communication et puis la langue de recherche. Et je commence par un premier point. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est le problème de reconnaissance qu'on voit au niveau des langues. Et bientôt, comme vous dites, l'Afrique peut-être sera le moteur de langue française. Cependant, combien de travaux qui sont réalisés en Afrique qui sont reconnus au niveau international ? C'est ça, c'est le premier élément, c'est au niveau de la reconnaissance des langues et au niveau international. Deuxième chose que je voulais ajouter également, c'est vrai, l'anglais domine aujourd'hui, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de commerce, de business. Par contre, on est dans la période dominée par la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que la mondialisation ? Pour moi, c'est la rencontre de différentes cultures, la rencontre de différentes langues. Et à ce niveau, on se pose la question, est-ce que vraiment aujourd'hui, on a tendance à aller dans la mondialisation ou bien dans l'américanisation ? Donc, où tout le monde va parler l'anglais. Et là, la question qui se pose aussi, c'est au niveau de la richesse. Est-ce que le fait que tout le monde va écrire en anglais, va publier en anglais, est-ce que ça va faciliter cette idée de la mondialisation, de l'interculturalité ? Parce qu'on sait très bien que la langue est un facteur culturel par excellence. Parce que dans la langue, on transmet la culture, la tradition, le sens, la représentation. À travers la langue, on s'exprime et notre façon de faire, notre façon d'agir, d'être. Et si on se rencontre dans la mondialisation, normalement, c'est pour échanger, partager notre culture, nos valeurs, nos sens. Et là, je prends l'idée que tout le monde maintenant va publier en anglais. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la mondialisation ? Il n'y a plus d'échange, il n'y a pas plus d'interculturalité qu'on vise normalement dans la mondialisation. Et on reviendra justement sur aussi les différents, ce que vous aviez abordé à l'instant, Gratien Allaire, les différents domaines scientifiques et la façon dont on les perçoit et dont on les pense dans certains langages en faisant un peu finalement de sociolinguistique nous amène à des approches différentes. Mais j'aimerais rebondir sur une chose que vous venez d'évoquer, Éric Moutabazi, ce qui est, vous disiez effectivement, là, les prévisions donnent à partir du moment où la francophonie aura dépassé le milliard de locuteurs, 85% de ces locuteurs seront sur le continent africain. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la mondialisation que vous évoquiez, aujourd'hui, il y a un regain très fort d'enseignement du français, notamment en Chine, puisqu'on sait que la Chine a beaucoup d'intérêts commerciaux, économiques, avec la nouvelle route de la soie vers l'Afrique, et que c'est plus simple de s'adresser directement aux populations locales en parlant la langue qu'elles pratiquent. Est-ce que ça n'est pas finalement une sorte d'effet, pour une fois pas tout à fait pervers, mais un effet bénéfique, de se dire que le regain d'intérêt pour la francophonie de populations asiatiques pour des intérêts économiques va permettre aussi de réinvestir bien la recherche scientifique en partie? Qu'en pensez-vous? Oui, et je suis complètement d'accord avec vous. L'intérêt économique peut conduire la francophonie à se développer parce qu'on a beaucoup de, donc, comme vous dites, des Chinois qui vont venir investir en Afrique. Et la langue de communication pour plusieurs pays d'Afrique, c'est la langue française. Donc, je pense, j'imagine que même les Chinois qui vont venir seront obligés d'apprendre d'une manière ou d'une autre la langue française pour qu'ils puissent communiquer avec la population locale. Et aujourd'hui, même, c'est déjà factuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français, je parle sous votre contrôle, Lynn Sauvageux, mais je crois que le français est la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais aujourd'hui dans les différents établissements scolaires. Vous confirmez peut-être? Oui, c'est la deuxième langue étrangère, voilà. La plus apprise à travers le monde, donc on a les mêmes chiffres, les mêmes données. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La méthode scientifique, donc, ici depuis le 87e congrès de l'ACFAS à l'Université de Québec à Gatineau pour parler aujourd'hui de la place de la francophonie dans la recherche. Faut-il la renforcer, la développer, mieux l'intégrer avec la recherche anglophone, tisser de nouvelles relations? Nos reporters, nous les avons amenés avec nous dans nos bagages et ils sont allés recueillir ce matin des témoignages dans les coursives du congrès de l'ACFAS. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un sujet sensible hein, ici au congrès de la recherche francophone au Canada, de savoir s'il faut publier en anglais ou en français. Oui, j'ai parlé de tout ça avec Marielle Gadebois, qui est doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Elle en est au début de sa thèse et elle nous explique pourquoi, alors qu'elle se tourne principalement vers la rédaction en français, on l'encourage à publier en anglais. La facilité de rédaction, étonnamment, non étonnamment, c'est de rédiger en premier en français. Dans un processus de rédaction anglophone, pour l'instant, moi, j'ai travaillé avec des traducteurs. Je l'ai pas fait de moi-même, là, d'aller vers l'écrit en anglais. Je l'ai fait un petit peu, mais pas pour des longs articles. Donc, c'est sûr que moi, je priorise là, de le faire en français pour le niveau de facilité de rédaction. Mais après, on essaye d'aller dans des revues anglophones pour propager là, c'est cette information-là, ces connaissances-là, en fait. Est-ce que vous sentez que ça peut potentiellement vous nuire si vous n'écrivez pas, si vous ne publiez pas en anglais? Oui. C'est une question intéressante qu'on se pose beaucoup. J'ai l'impression que depuis le début de ma formation, on m'encourage quand même beaucoup, puis il y a une certaine reconnaissance à la rédaction en anglais. C'est ça, vraiment le mot, c'est, je dirais, la reconnaissance de publier à l'international, même dans les communications aussi, d'aller dans les congrès, de publier aussi, de parler en anglais, d'offrir des communications en anglais. On est beaucoup encouragé à le faire. Est-ce que j'ai pris cette tendance-là pour le moment? Pas vraiment. Je suis restée plus dans la zone francophone. Mais c'est ça. Je l'ai toujours en tête que si j'ai envie de partager mes connaissances, j'ai cette impression-là que je vais devoir y aller, dans le fond. Valérie Lapointe-Gagnon, tout le paradoxe est contenu dans ce témoignage qu'on a recueilli il y a quelques minutes. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est particulier. J'entends ça une jeune étudiante qui voit un peu ses horizons peut-être bloqués éventuellement parce qu'elle maîtrise mieux la langue française. C'est une évidence d'abord d'écrire en français. Et là, il faut payer pour la traduction pour être capable de rayonner dans un milieu. Donc, c'est une pression qu'on met sur les jeunes qui veulent s'engager dans la voie de la recherche. Pour ma part, moi, c'est très différent de mon parcours. Je ne publie qu'en français presque exclusivement parce que je m'intéresse aux questions qui touchent les communautés francophones. Donc, mes recherches sont diffusées à travers le Canada. Est-ce qu'elles rencontrent un aussi vaste public que si elles étaient en anglais? Peut-être même un plus vaste public parce que, bon, elles sont dans la langue des communautés qui s'intéressent principalement à ces questions-là. Et ça me permet de communiquer avec la Belgique aussi. Je m'intéresse aux tensions culturelles dans les États bilingues, dans les États plurilingues. Donc, il y a plein d'autres exemples. La Suisse, la Belgique, dans le cadre du fédéralisme. En Afrique aussi, on a des cas avec le Cameroun. J'ai eu des échos réseau de collègues au Cameroun qui sont très intéressés par mes recherches canadiennes. Donc, la recherche en français peut encore avoir une résonance internationale. Et oui, peut-être qu'elle sera moins citée, mais ça prend des administrateurs et des gens qui décernent les subventions, qui sont capables de voir la nécessité d'encourager la diversité linguistique dans la recherche. Et on verra évidemment quelles sont les solutions pour développer ce réseau de recherche francophone tout à l'heure, mais Gratien Allaire, vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre, à ce témoignage. En fait, j'ai aussi publié en français principalement. Une des raisons pour laquelle, d'abord, la recherche que j'ai faite était au niveau de l'histoire franco-albertaine, au niveau de l'histoire franco-ontarienne, justement pour faire en sorte que les personnes qui se retrouvent en situation d'enseignement, puis même les communautés, puissent se sentir valorisées par l'expérience, leur expérience, qui n'était pas toujours aussi valorisée. Ça, c'était important. Mais il y a un autre élément que j'ai trouvé important, qui est, c'est bien beau de se parler entre nous. C'est beau de communiquer avec des collègues qui s'intéressent aux mêmes questions. Mais à un moment donné, si on veut que l'autre communauté, qui est la communauté anglophone, comprenne ce qu'on a à dire, on publie en anglais. C'est pas parce que j'aime ça écrire en anglais, ça me prend beaucoup plus de temps, mon vocabulaire est pas le même. Mais pour toucher un public, pour aller chercher, répandre, mais pour avoir une meilleure compréhension des interlocuteurs, généralement, il faut avoir une communication dans sa langue. Et c'est ce que j'essaie de faire en écrivant en anglais maintenant. Ça ne m'empêche pas d'écrire en français non plus, mais ça, c'est autre chose. Et vous parlez évidemment du domaine des SHS, hein, des sciences humaines et sociales. On verra tout à l'heure un peu le distinguo qu'on peut faire avec les sciences dites dures, même si c'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, la méthode scientifique. Je me retourne vers vous, Lynn Sauvageau, parce qu'il y a quelque chose, finalement, qui sous-tend un peu nos discussions depuis le début. Est-ce que la communication scientifique francophone, on parle de langue de communication, mais même de langue de recherche, parlons des deux, est-ce que c'est une anti-anglophonie? Est-ce que finalement, c'est une vieille lutte de pouvoir centenaire, millénaire, qui ne trouve toujours pas sa résolution? Ah, je vous dirais, en fait, à l'ACFAS, ça n'a jamais été la position. L'ACFAS, elle donnait des bourses dans les années 30, les années 40, autant pour que des gens du Québec aillent se faire former aux États-Unis que des gens du Québec aillent se faire former en France. Donc, L'ACFAS a été fondée en 1923, je précise. Oui, 1923. Donc, il y a eu des bourses quelques années plus tard. Et on a, en fait, encouragé les jeunes d'ici à aller se former partout où c'était important pour le développement de la connaissance et le développement des disciplines scientifiques qu'elles se développent ici par la suite. Donc, je dirais, c'est pas une volonté ou c'est pas une lutte à finir. C'est plutôt une coexistence, je pense, qui est souhaitée, qui est voulue. Je dirais, nous, on a une responsabilité particulière à l'égard de cette langue-là, qui est le français. Et on doit préserver notre capacité à faire de la recherche en français, aussi parce qu'on peut, on doit, puis je reviens au terme même de Marie-Victorin, qui disait que si on veut être, on va être maître par la science d'abord, par la possession physique, économique, etc. Par la connaissance d'abord et ensuite par l'économie, on sera maître de notre destin. Et donc, la recherche, moi, je trouve que c'est très visionnaire. Le savoir, la recherche, l'accès à la recherche, c'est une façon de maîtriser son avenir et ça, je pense que toutes les communautés doivent le faire. Nous, on a une responsabilité à l'égard du français. J'ai l'impression qu'en Afrique, on a une responsabilité à l'égard de plusieurs langues. Et c'est une richesse de pouvoir faire de la recherche dans plusieurs langues. Oui. Alors, je vais vous poser une autre question qui fâche. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la francophonie québécoise est d'une certaine manière devenue plus dépositaire de ce combat-là pour le développement de la francophonie, que ce soit dans le milieu de la recherche, que ce que naît finalement la France? Écoutez, peut-être qu'on a toujours été des passeurs entre l'Europe et l'Amérique. Et là, je m'avance hors de mes champs de compétences, je pense qu'on a on est au confluent entre l'Europe, l'Amérique. J'ai l'impression qu'on a été les passeurs sur le plan théorique et méthodologique. Et bon, ça nous a bénéficié. Ceci dit, je pense que nous avons une responsabilité forte à l'égard de maintenir des lieux de communication et des lieux de diffusion en français. Éric Moutabazi, cette question-là, elle est particulièrement prégnante, cette lutte d'influence, évidemment, historiquement, sur le continent africain, entre bien la zone d'influence anglophone, la zone d'influence francophone. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette lutte pour la recherche, ou en tout cas pour maintenir un réseau de recherche francophone, c'est un autre visage du soft power, ou c'est au contraire, ça a des fondations scientifiques importantes pour lesquelles il faut continuer à se battre? Ce que je peux dire, peut-être pour revenir à ce que venait de dire ma collègue, c'est vrai qu'en Afrique, on a plusieurs langues. Presque chaque ethnie a sa langue. Par contre, il y a un contexte peut-être que les gens ne connaissent pas. C'est que pour communiquer, par exemple, moi j'ai fait mes études au Cameroun où il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies. Et mais pour communiquer, pour que les gens puissent se communiquer, ils parlaient en français. En Côte d'Ivoire, donc plusieurs pays, quand même, la langue de communication entre les personnes, même s'ils ont des langues, je dirais, liées à leur appartenance culturelle et ethnique, la langue, c'est la langue française. Et pour répondre à votre question, bien sûr que la lutte continue, parce que en Afrique, bien sûr, il y a des pays sous colonie française et puis sous colonie anglais. Donc chaque pays essaie de publier par rapport à la langue de son colonie, si j'ose dire. Voilà, donc, mais les pays qui parlent la langue française continuent bien sûr à publier en français, à parler en français, ça reste leur identité. Essayer de défendre effectivement cet espace-là. C'est intéressant parce que cette controverse là autour justement de savoir si il faut céder et où il faut plus encourager les chercheurs à développer cette langue de communication internationale que serait l'anglais dans les domaines de la recherche scientifique, ou si il faut au contraire privilégier de maintenir ce réseau de recherche dans une langue qui serait en l'occurrence pour ce qui nous intéresse la langue française. Il y a une polémique entre Nicolas Collin, enseignant à Sciences Po, qui déplorait je crois que c'est dans les colonnes de Nouvelle Obs, que les chercheurs français n'utilisent pas plus l'anglais dans le cadre de recherche, qu'ils n'étaient pas suffisamment formés, que leur niveau d'anglais n'était pas suffisamment bon, ce qu'on reproche souvent au milieu académique français, de ne pas suffisamment former les étudiants au bilinguisme. Et en contrepartie, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Jacques Rabat, lui a répondu qu'il était néfaste d'appeler les chercheurs français à publier en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Encourager au bilinguisme précisément pour permettre une meilleure diffusion de l'ensemble des connaissances, ou au contraire, renforcer par d'autres moyens dont on discutera tout à l'heure Valérie Lapointe-Gagnon, les publications des revues fortes, puissantes, à grand facteur d'impact en français. Je pense que peut-être, j'ai pas la solution à ce vaste problème, mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On peut maîtriser les langues, être capable d'aller puiser dans l'autre communauté de recherche, dans les travaux des anglophones. Pour ma part, l'historiographie anglophone est très importante dans mes travaux et je la cite abondamment, mais en français, et ça permet aussi de passer ça à d'autres francophones qui vont s'intéresser. Mais pendant longtemps, c'est vrai que si on prend l'exemple canadien, il y a quand même deux solitudes. On a tenté de bâtir des ponts, mais autant dans le milieu artistique, culturel, même de la recherche, il y a une historiographie, une littérature québécoise qui est peu connue dans le milieu anglophone. Puis la même chose côté anglophone qui est peu connue dans le monde québécois, plus dans les francophonies canadiennes parce que vraiment on côtoie, on est vraiment au confluent, on est dans le bilinguisme canadien. Et comment est-ce qu'on fait pour déconstruire tout ça? Parce que c'est quand même sain d'être capable de communiquer. Et la traduction devient vraiment quelque chose qui permet d'aller au-delà. C'est un projet des années 60 là, pour rapprocher les communautés canadiennes divisées. Mais encore quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a des très beaux dialogues qui ont émergé de traduction en art et même dans le domaine scientifique. Quand on veut faire connaître nos travaux, on peut faire affaire aussi à des professionnels qui maîtrisent. Mais après, c'est les coûts. Et ça prend des organismes qui vont avoir la vision d'investir dans la nécessité de diffuser dans plusieurs langues. C'est pas juste l'anglais, le français. Bon, ça nous touche dans le cas canadien. Mais en Allemagne, ils ont les mêmes questionnements avec les chercheurs qui publient de moins en moins en allemand. En France aussi, bon, les chercheurs sont encouragés à publier en anglais. Et effectivement, ils publient de moins en moins en français. Si on pose cette question, je vous donne la parole dans un instant, Gracien Allaire, mais si on pose cette question, c'est qu'effectivement, il y a ce mouvement paradoxal qui est que la francophonie est en plein boom, en plein essor démographique, ce qui n'est pas le cas de la germanophonie, mais paradoxalement, on a l'impression que la place justement de ces publications en langue française se réduit comme portion congrue. Le débat que je mentionnais, il est intéressant d'un point de vue sociolinguistique ou intellectuel, puisque les arguments de l'un étant le français nous rend hermétique aux idées extérieures, et les arguments de l'autre étant, au contraire, le français nous permet de nous enrichir constamment des idées venues de chercheurs des cinq continents, puisqu'il faut rappeler que le français est, avec l'anglais, le seul langage qui est présent sur les cinq continents. Gracien Allaire, oui, qu'en pensez-vous? Je ne saurais pas être en désaccord avec Valérie à propos de ce qu'elle vient de dire, mais il reste que ça s'applique au niveau des sciences humaines, ça s'applique au niveau des sciences professionnelles, qui sont davantage tourner vers ce genre d'expérience-là, c'est beaucoup plus près, si on veut, du terrain. Ça s'applique beaucoup moins au niveau des sciences naturelles et du génie, ou encore, en médecine, c'est peut-être variable, ou dans les sciences médicales, c'est peut-être variable, mais ce genre de situation-là, au Canada, pour revenir à ce dont parlait Valérie, en sciences naturelles et en génie, ça se pose pas de cette façon-là, sauf lorsqu'il s'agit d'enseignement, et lorsqu'il s'agit de vulgarisation scientifique. Et à ce moment-là, Radio-Canada fait une œuvre remarquable de ce côté-là, avec des émissions qui sont très bien. Mais il y a également l'enseignement et la formation à l'enseignement. L'enseignement à l'élémentaire au Québec se fait pas en anglais. Dans les écoles françaises à l'extérieur du Québec, il se fait pas en anglais. Et c'est pas seulement l'enseignement de la langue ou l'enseignement de l'histoire ou l'enseignement des sciences sociales, c'est aussi l'enseignement de la chimie, des mathématiques, de la biologie, et il doit se faire en français. Donc, il faut que les enseignants, les futurs enseignants, soient formés pour pouvoir enseigner en français. Mais pour un prof d'université, donner essentiellement des cours de première année pour que les gens puissent l'enseigner après, c'est pas toujours très valorisant. Je pourrais citer une anecdote d'un prof d'histoire qui demandait d'enseigner en anglais parce qu'il y avait des nombres plus grands dans ses cours en anglais, et ma réponse a été oui, en autant qu'il y a quelqu'un qui est anglophone qui puisse te remplacer, puisqu'on a un certain nombre de cours à offrir pour le programme. À ce moment-là, si tu trouves quelqu'un pour te remplacer, tu pourras l'enseigner en anglais si tu veux, mais autrement, il n'y en a pas question. Donc, ce sont des contraintes qui sont assez importantes de ce côté-là. J'allais un peu plus loin, épuisé dans mon expérience. Quand je suis arrivé à Edmonton, c'est en 76. Il y avait 250 étudiants à peu près à la Faculté Saint-Jean à ce moment-là. C'est encore un collège qui était affilié à l'Université de l'Alberta. La chimie, la biologie et les mathématiques s'enseignaient en anglais. Le prof de sciences politiques qui venait d'être embauché enseignait en anglais au premier semestre et passait au français en deuxième semestre. Actuellement, pour les 1000 étudiants de la faculté, il n'est pas question d'avoir de la biologie en anglais, il n'est pas question de... En partie parce que durant cette période-là, s'est développé aussi un programme de pédagogie qui formait et qui forme encore, avec beaucoup de succès, des enseignants qui vont dans les écoles de la Saskatchewan, dans les écoles de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Donc, ce sont des éléments... Ce ne sont pas des contraintes, ce sont des éléments d'évolution qui sont extrêmement importants. Et dans ce sens-là, je pense, évidemment, ça dépend encore une fois du domaine scientifique, je pense qu'il y a une évolution qui, en tout cas dans ce cas-là, est favorable à l'utilisation du français. Est-ce que ça peut se produire au niveau des sciences médicales? Oui. Dans le sens que à la Laurentienne, avec un nouveau programme de formation médicale, de médecine, avec l'université Lakehead, à ce moment-là, il a fallu faire en sorte que, étant donné l'importance de la population de langue française dans le nord de l'Ontario, faire en sorte que, au moins, si le programme se donnait en anglais, les futurs médecins soient conscients de la condition médicale spéciale ou conditions médicales spéciales, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, des déterminants de la santé des populations francophones. Donc, être sensible à la situation des francophones de la même façon qu'ils doivent être sensibles aux situations autochtones. Autrefois, pour faire sa cour, On parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. La complainte du progrès dans la méthode scientifique sur France Culture pour parler de la francophonie, parce que je vous avoue, Lynn Sauvageau, qu'on a cherché des chansons françaises qui parlent de science et on a eu du mal à en trouver. C'est vrai? Mais oui, vous en avez quelques-unes en tête? À la question piège totale. Ouais. Non, je ne vais pas vous infliger ça. Ça, vous inquiétez pas. Merci en tout cas à tous d'être avec nous, puisque nous sommes ici et pour toute la semaine dans, au 87e congrès de l'ACFAS à l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, à LUCO. Nous sommes ici avec Lynn Sauvageau, donc, qui est présidente de l'ACFAS et vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, avec Valérie Lapointe-Gagnon, qui est professeure d'histoire à la faculté Saint-Jean de l'Université d'Alberta, avec Éric Moutabazi, qui est docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur et maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest, et avec Gratien Allaire, professeur émérite d'histoire à l'Université Laurentienne et spécialiste des minorités canadiennes. Alors si on élargit un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ce propos qui est le nôtre de savoir quelle est la place de la francophonie dans la recherche et de ce réseau francophone qui, rappelons-le, hein, est prévu pour être la deuxième langue la plus parlée au monde avec plus d'un milliard de locuteurs dans quelques dizaines d'années. Eh bien, si on reprend les mots de l'ACFAS, la science construit un savoir certes universel, mais l'humanité appréhende ce savoir à partir de réalités, notamment linguistiques, fortement contrastées. Autrement dit, certaines langues biaisent notre appréhension de la réalité. Le concept de temps, par exemple, peut varier d'une expression ou d'un langage à l'autre. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez rencontré une chercheuse qui accompagne les doctorantes et les doctorants dans la traduction de leurs travaux de recherche. Oui, je suis allée voir Sarah Mathieu, qui est en troisième année de thèse en psychopédagogie à l'Université du Québec à Montréal. Elle a cofondé en 2017 l'association Taisez-vous, une association qui aide les jeunes chercheurs à rédiger leurs travaux en langue française, que ce soit en sciences naturelles ou en sciences humaines. Dans les dernières années, ce que j'ai pu voir, en fait, avec mon rôle au sein de l'association, se nomme Taisez-vous, mais comme une thèse. Donc, ce que je m'aperçois, c'est que c'est un défi qui varie beaucoup d'une discipline à l'autre. Donc, dans mon cas, qui est en sciences de l'éducation, d'une part, on voit quand même un corpus en français qui est existant, des modèles aussi. Je crois que c'est un des défis, c'est de trouver des articles modèles qu'on peut reproduire, des revues où on peut publier. Dans d'autres disciplines, les sciences dures qu'on appelle, où moi je sais que je publie aussi du côté de la santé publique et de la médecine, étant donné que je suis dans la prévention des infections, alors là c'est vraiment le langage de la science, c'est l'anglais. Et donc, si on veut être publié, mais aussi si on veut être lu par un éventail de chercheurs et d'intervenants plus grands, alors l'anglais s'impose. Vous voulez dire qu'en fait, il y a vraiment un désir de la part des étudiants et des chercheurs à écrire en français, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens ou les dispositifs qui leur permettent de faire ça? Je crois qu'il y a pour certains, il y a un désir. C'est aussi une question de facilité pour la plupart des étudiants qui sont francophones, donc ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'écrire dans leur langue, surtout lorsqu'il est question de recherche qualitative. Donc, un désir, c'est un facilitant, mais nécessairement, s'il y avait plus de structures mises en place, on verrait l'émergence. Après, je crois pas qu'il faut arrêter de publier nécessairement dans d'autres langues. L'anglais reste un commun intéressant. Je sais pas à quel point on peut mettre un fardeau de plus sur le dos des étudiants et des chercheurs en disant qu'il faut publier systématiquement dans les deux langues, mais clairement, ça pourrait être davantage valorisé. Voilà, on entend bien à nouveau hein, ce fardeau supplémentaire sur les épaules des étudiants qui cherchent à mener des recherches en langue française. Peut-être un mot, pareil, une réaction à ce que vous venez d'entendre, à ce témoignage, Valérie Lapointe-Gagnon? Oui, ben je le vois aussi auprès de mes étudiants qui bon sont dans un milieu anglophone, mais qui se battent parce que c'est un geste politique. Ça devient un geste politique de vouloir faire de la recherche en français dans des milieux aussi anglophones. Donc, et j'ai des étudiants, je pense à une étudiante qui est anglophone, elle, d'origine, mais elle a appris le français dans les écoles d'immersion et elle a décidé, elle a choisi de faire une maîtrise en français sur l'histoire des Franco-Albertains. Et elle veut poursuivre par la suite au doctorat et elle a déposé une demande de subvention au Conseil de recherche en sciences humaines et sociales pour voir son projet soutenu. Et comme elle veut faire ses recherches en français, elle l'a déposé en français à l'université parce que le Conseil de recherche est un organisme bilingue, mais l'université lui a retourné en lui demandant de traduire les documents. Parce qu'ils ne voulaient pas, eux, ben, ou parce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient simplement avoir un chercheur bilingue sur les comités. Donc, c'est plein de petits défis du quotidien où on veut construire quelque chose en français dans des milieux qui sont traditionnellement plus hostiles et où la réponse n'est pas toujours positive. Donc, c'est un cas très pratique, mais ça montre un peu tous les petits obstacles qu'il y a sur le terrain de ceux qui entreprennent cette aventure-là hors du Québec. Parce qu'au Québec, évidemment, c'est plus facile, même si on est encourager à publier en français dans les sciences. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, et parce que ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Gratien Allaire, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser, pour rebondir sur ce que vient de dire cette étudiante, que finalement dans les domaines des SHS, des sciences humaines et sociales, eh bien, il serait plus simple de mener ces recherches parce que culturellement, linguistiquement, on est sur des territoires qui sont des territoires francophones, qu'il y a donc finalement un réseau, une bibliographie aussi, que tout ça est plus accessible. Et pourtant, on entendait, vous venez de nous dire que malgré tout, on demande la traduction. Donc ça n'est pas gagné et on entendait l'étudiante dire tout à l'heure que dans les sciences dites dures, aujourd'hui le combat est beaucoup plus rude, ça veut dire qu'il est perdu Lynn Sauvageau pour bien la physique, la chimie, les mathématiques, l'astrophysique, la cosmologie, tout ça c'est des domaines qui ont basculé dans l'anglophonie et dont on ne les fera plus jamais ressortir. En fait, ce serait un constat, ce serait dommage, ce serait un constat dur. Mais est-ce que les lieux de publication de la science se fait davantage? Effectivement, c'est construit davantage en langue anglophone, en anglais, dans le domaine. Mais je pense qu'il ne faut pas renoncer à faire de la recherche de la science en français. Je pense qu'on doit continuer à l'enseigner en français. C'est extrêmement important pour l'avenir, je dirais, de toutes les communautés francophones. Par ailleurs, moi, je me demande, qu'est-ce qui arriverait à la science si elle n'était qu'anglophone dans tous les domaines? Vous savez, la science est bâtie, c'est comme les blocs légaux de la connaissance, ce sont des concepts. Et les concepts, ils sont enchâssés dans les langues et dans les cultures. Il y a tout un réseau, hein, il y a des dictionnaires d'intraduisibles. Si on renonçait à faire de la recherche de la science dans toutes les langues, on renonce à la richesse conceptuelle. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement dangereux de renoncer à nos imaginaires, à nos créativités, de renoncer à toute cette richesse qu'apporte la diversité linguistique, même à la recherche et à la science. Et ça, c'est pas une question qu'on pose souvent. Oui. Éric Moutabazi, je vous vois approuver. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment favoriser cette interculturalité, cet échange, parce que la langue est un fait culturel par excellence. Donc, si on veut publier, écrire selon vraiment nos convictions, selon des choses qu'on maîtrise, il faut publier dans la langue qu'on maîtrise. Donc, je vois pas comment un francophone, il peut essayer de publier en anglais, mais j'imagine pas qu'il va mettre des sens, des représentations qu'il devrait mettre s'il avait publié en français. Deuxième élément que je voulais ajouter également, c'est que les chercheurs français qui publient francophones, normalement, devrait avoir ce courage d'oser de publier en langue française. Donc un geste politique, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Et je donne un exemple de ce colloque à CFAS. J'organise un colloque sur le partenariat international. Ce colloque, c'est en français, mais parmi les participants, les communicants, il y a les professeurs qui viennent de Suède, un pays qui ne fait pas partie de la francophonie. Mais ces professeurs qui vont intervenir par le biais français, on a déjà publié en français avec ses collègues, mais également qui publient en anglais. Donc je pense qu'il nous faut du courage, hein, oser vraiment proposer de publier en français. Oui, quand je vous disais que c'était finalement un peu politique, cette opposition et ce maintien de la francophonie, on voit bien que ça l'est dans la réalité quotidienne des chercheurs. Ce qui est intéressant, peut-être, je me retourne vers vous, Gratien Allaire, c'est que, comme je le disais, je l'évoquais peut-être un peu rapidement tout à l'heure, hein, le français a été la langue des savants, très nettement, au moment de la langue des Lumières, hein, c'est 17e, 18e, via notamment, évidemment, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais aussi, et c'est intéressant, ça nous permet de basculer grâce aux deux premiers périodiques scientifiques qui ont été créés, la Gazette de France et le Journal des Savants. Aujourd'hui, est-ce que la solution, elle n'est pas, comme on l'a entendu il y a très peu de temps, via une tribune dans le journal Le Monde, de recréer des revues à facteurs d'impact francophones qui seraient soutenues peut-être par les grandes institutions, par les grandes organisations scientifiques? Qu'en pensez-vous? On serait, c'est impossible de ne pas être d'accord. Là aussi, il y a des impératifs économiques qui vont entrer en ligne de compte. C'est-à-dire, pour avoir ce genre de, je dirais, ce genre de magazine, il faut d'abord un lectorat, mais il faut aussi un soutien important, qui est un soutien étatique, nécessairement. Est-ce qu'il y aurait un lectorat? J'imagine que oui. Il y a, je pense, un auditoire important aux émissions scientifiques de Radio-Canada. Et de France Culture aussi, je vous laisse sûr. oui, voilà. Donc, y a un public. Il manque peut-être une volonté de garder... on est au niveau de la vulgarisation. On est plus au niveau de la diffusion scientifique auprès des collègues, mais on est au niveau de la vulgarisation de haut niveau. Et cette vulgarisation-là de haut niveau doit avoir un soutien, et un soutien important. Et pour revenir à cette idée de publier en français puis d'avoir de la recherche en français, c'est évident. Mais les obstacles sont très grands. Entre autres, évidemment, au niveau universitaire, les universités sont pas toujours à l'extérieur du Québec, en tout cas pas toujours très ouvertes, on vient de l'entendre. Mais il faut faire attention. L'Université d'Ottawa et l'Université de Moncton, c'est pas la même chose que l'Université de l'Alberta. C'est beaucoup plus... Je regarde ma collègue Gilbert qui me fait signe. Je pense que c'est plus ouvert, mais je gagerais pas absolument là-dessus. Je soulignerais simplement que les chaires de recherche qui portent sur la francophonie canadienne à l'Université d'Ottawa sont des chaires de l'Université d'Ottawa et non pas des chaires que l'Université d'Ottawa a présentées au Conseil de recherche pour les avoir. Donc, là aussi, il y a des distinctions importantes. Et l'Université d'Ottawa, parmi les universités de la francophonie canadienne, c'est la première. Est-ce que vous pensez, pour revenir justement sur cette notion de revue à facteur d'impact, Valérie Lapointe-Gagnon, je vous dis, hein, il y a eu un appel signé par une centaine de chercheurs et de chercheuses, d'enseignants et d'enseignantes dans le monde, c'était au mois de février, qui contestaient la domination des revues anglophones et qui contestaient notamment, pour parler d'instituts de recherche français, le CNRS, hein, dans les 110 revues classées en rang 1, il n'y en a pas une seule de francophones. Est-ce que une revue impulsée par le monde associatif ou par les acteurs publics aurait du crédit dans le milieu de la recherche? Ça dépend, mais est-ce qu'on doit jouer le jeu des facteurs d'impact? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question beaucoup plus vaste. Oui, beaucoup plus vaste, mais qui est essentielle pour comprendre. C'est une réalité, en tout cas, de la recherche. C'est ça qui a plané la diversité. C'est ce besoin de performance-là et d'être cité le plus possible dans des revues qui... les revues qui dominent, c'est des revues anglophones, mais comment est-ce qu'on calcule la performance? Et il y a plein d'études qui montrent que, justement, le facteur d'impact qui est utilisé à travers plusieurs universités dans le monde anglophone, mais de plus en plus dans le monde francophone, est tout à fait... mal adapté pour comprendre la performance d'une recherche. Est-ce qu'une recherche a besoin de performer? Et c'est dans le très court terme. Hein? On ne sait pas dans 100 ans quelles vont être les préoccupations. Et on a besoin parfois des recherches qui, à prime abord, sont peut-être moins sexy ou séduisantes ou vont avoir moins de rayonnement, mais qui vont avoir une résonance avec la communauté avec laquelle elles tentent d'établir un dialogue. Donc, c'est une grande question. Est-ce qu'on... Les universités le jouent parce qu'on est à l'ère de l'université néolibérale, mais est-ce qu'on ne doit pas résister aussi à ça en tant que chercheur? C'est intéressant parce que ça rejoint effectivement la question des autres formes, des formes alternatives de publication en open access, en open source qui sont en train de se développer. Ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une place justement dans ce mouvement-là de contourner ces grandes revues, même si elles dominent encore le marché de la recherche et notamment dans les débuts de carrière. Lynn Sauvageau, utiliser ces nouvelles plateformes pour faire ressurgir des revues. C'est certainement une voie qu'on doit privilégier, mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à tous nos incitatifs, qu'ils soient à l'intérieur de la communauté entre pairs ou les incitatifs que les institutions et les grands, je dirais, les financiers, donc ceux qui financent la recherche, donc nos conseils de recherche publique. Donc, comment est-ce qu'on mesure les impacts de la recherche? Qu'est-ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qu'on veut valoriser au sens noble de la recherche elle-même? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme impact dans nos milieux, dans nos communautés, à l'échelle nationale, internationale. Donc, en fait, il y a une série d'incitatifs peut-être à mieux... Par exemple, vous avez des idées en tête? Bien, si on regardait, en fait, la qualité d'une publication, elle pourrait être évaluée aussi, ou une qualité de recherche mesurée également par l'impact qu'elle a eu dans la vie des gens ou dans le quotidien ou sur la qualité de l'organisation, par exemple, d'une école, etc. Donc, on vient de changer un peu là, la façon de voir le rôle de la recherche aussi. Et donc, oui, il y a une communication entre pairs qui est importante, mais je pense qu'on doit aussi regarder, mais la recherche, elle n'est pas que des chercheurs qui se parlent entre eux, et qui souhaitent communiquer entre eux, même si c'est un élément essentiel du développement de la connaissance. Mais il y a aussi, des retombées dans l'ensemble des milieux. Partout où il y a un chercheur, vous pouvez être certain qu'il y a des effets de ces recherches là où il se trouve. Et c'est, je pense qu'en faisant en sorte qu'on ait des chercheurs francophones, francophiles, etc., dans les milieux francophones, c'est ce qu'on veut, si on veut avoir l'impact de leur recherche dans nos milieux. Mais on n'est pas, les incitatifs ne sont pas construits nécessairement pour dire que ça, c'est important. Mais en même temps, la recherche, elle est présente dans nos quotidiens, à tous les jours, et c'est cette capacité-là à reconnaître cet impact-là qu'on voit peut-être moins. Gratien Allaire. Oui, j'allais ajouter, parce que je pense que c'est important, au niveau des publications ou de la disponibilité par Internet, il y a une plateforme qui s'appelle Érudit qui a, en fait, la majorité des productions en sciences sociales dans les sciences humaines, disponibles selon certaines conditions, mais qui est disponible, c'est une chose que je voulais dire. L'autre, c'est au niveau de l'impact. Depuis un certain temps, le CRSH, dans son évaluation des demandes, a justement... Le CRSH, c'est le comité... Le Conseil de recherche en sciences humaines. Voilà, c'est en sciences humaines. Du Canada. Il y a un volet qui porte sur, justement, le lien avec la diffusion du savoir. On l'appelle la diffusion, ça peut s'appeler aussi la vulgarisation, mais sur la diffusion du résultat de la recherche. Ça en fait partie. Et il y a d'autres éléments qui tendent à favoriser cette diffusion-là, non seulement au niveau des milieux éducatifs, mais aussi dans le public en général, ce qui a tendance justement à valoriser davantage la recherche en français, l'amélioration ou la poursuite du savoir en français. Et je pense que c'est important de le souligner. Mais évidemment, on est encore une fois dans un certain ensemble de sciences qui s'appelle les sciences humaines, les sciences et les sciences professionnelles. Mais c'est pas tout à fait la même chose au niveau Mais alors justement, justement pour rebondir exactement là-dessus, c'est intéressant parce que on fait depuis le début de cette heure un peu le distinguo, mais on a vu en même temps les apories de ce distinguo et que ça ne résolvait pas tous les problèmes, loin s'en faut. Laurent Laforgue, qui a gagné la médaille Fields donc de mathématiques, expliquait il y a très peu de temps que les mathématiques faisaient exception, que c'était peut-être un des seuls domaines des sciences dites dures où les chercheurs continuent à publier couramment leurs travaux en français. Il laissait entendre que ça pouvait ne pas tout à fait continuer à durer compte tenu des problèmes d'enseignement des mathématiques sur le territoire français. Mais il dit ceci que je voulais vous soumettre aux uns et aux autres et aux unes et aux autres. Les faiblesses de la France dans certaines disciplines scientifiques pourraient être liées au délaissement linguistique. Les ressorts de cette causalité appartiennent non pas à l'ordre scientifique mais à l'ordre humain. Elles ont trait aux conditions psychologiques, morales, culturelles et spirituelles qui rendent possible la créativité scientifique. Ne pas continuer à enseigner en français, c'est aussi prendre le risque d'abandonner des secteurs qui étaient ou qui furent l'excellence de la francophonie. Qu'en pensez-vous, Valérie Lapointe-Gagnon? Mais je suis assez d'accord. Pour qu'une langue vive, il faut qu'elle soit partout et qu'elle résonne partout. Donc, ça prend des chercheurs engagés, ça prend des lieux où ces chercheurs-là peuvent s'épanouir et qui comprennent la réalité particulière de ces gens-là, que ce soit partout à travers la francophonie. Donc, évidemment, il y a quelque chose à encourager, puis il y a une grande dimension humaine. Une communauté riche qui est capable, justement, de se penser, d'avoir des concepts complexes, et vraiment une communauté qui est davantage en santé, où il y a plus de solidarité, donc un passage entre les générations. C'est essentiel. Je pense à ma discipline, l'histoire. À qui est-ce qu'on veut transmettre l'histoire? À ceux qui sont concernés. Quand on fait l'histoire comme Gratien Allaire, des francophonies canadiennes, il faut écrire pour que ces communautés-là puissent la lire, leur histoire. Il y a encore tellement de choses à faire pour documenter l'histoire des francophones dans les prairies. Parce que, justement, l'assimilation, la présence, le désir d'homogénéisation a causé une perte d'héritage, une rupture avec le patrimoine. Et on voit à quel point c'est dommageable. Même il y a des études sur la santé publique, comment les communautés en milieu minoritaire ont des problèmes particuliers de santé publique. Et moi, je ne suis pas prête à abandonner pour la science parce que, justement, il y a toutes ces questions-là, la diversité linguistique en santé publique, comment est-ce qu'on réfléchit à ça et dans quelle langue on réfléchit à ça? Et je pense à des travaux de mes collègues scientifiques qui s'intéressent aux nouvelles communautés immigrantes qui arrivent en Alberta, qui viennent justement des pays d'Afrique et qui sont confrontées à certains problèmes de santé publique et elles ont décidé mes collègues de s'associer, donc chercheurs en biologie, chercheurs en sciences sociales, en littérature, pour faire un projet sur la santé publique de ces communautés-là et de parler de leurs problèmes dans leur langue. Donc, elles font de la science et on peut dire la science dure en français pour que ces communautés-là puissent savoir un peu ce qui se passe. C'est vrai, ça fait des mois qu'on lutte pour ne plus jamais dire France dure, science dure, pardon, oui. France dure, vous voyez, c'est un très très beau lapsus sur ce coup-là. Pour ne plus dire science dure et science molle, mais bon, pour parler des sciences en règle générale. Pour conclure, j'aimerais vous soumettre ceci, puisque manifestement, nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions à ce micro-là, bien entendu. L'Agence universitaire de la francophonie, la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le Centre international d'études pédagogiques lancent un appel à contribution sur le thème « Le français, un atout pour les sciences ». Voilà, le premier numéro de cette revue de réflexion devrait paraître au mois de novembre prochain. Ça veut dire que c'est une réflexion fertile, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous attendez toutes et tous peut-être des engagements un peu plus forts aussi des responsables publics, des gouvernants, des exécutants pour renforcer ce tissu de la coopération francophone scientifique. Lynn Sauvageau. En fait, oui, je trouve que c'est un magnifique appel. Je dirais de façon générale, moi, je reste optimiste par rapport à la science et à la recherche en français. Chaque année, le Congrès accueille 4, 5, 6 000 chercheurs francophones d'une trentaine de pays et on communique en français, on fait état de nos recherches dans ce domaine-là. C'est sûr que tous les appuis et toutes les mobilisations sont les bienvenus. Eh bien, écoutez, nous allons continuer à nous mobiliser dans les prochains jours pour rendre compte de tous ces échanges riches et fructueux au cours de ce 87e congrès de l'ACFAS dans lequel nous serons bien présents tous les jours. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Lynn Sauvageau, merci Valérie Lapointe-Gagnon, merci Eric Moutabazi, merci Gratien Allaire, merci beaucoup à toutes les équipes de l'ACFAS qui nous accueillent, Hélène Drinville, Alexandre Jay, Stéphanie Quirion, merci à Madame la Consule Générale de France à Québec, Laurence Aguenauer, et à Mathilde Girard. Merci également aux aux équipes de Radio-Canada qui, pour les moyens techniques ici, Lucio à Gatineau, Conrad Ijazi, Serge Brunet, Sébastien Landry, et puis sans oublier l'indispensable équipe de la méthode scientifique, Eve Vétienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Néguet-Saint-Vulfranc et Léonore Pérez. Demain, toujours depuis donc Gatineau ici, le 87e congrès de l'ACFAS, nous parlerons de l'avenir de la recherche francophone. Comment les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs s'organisent-ils? Quel parcours pour un doctorat et un début de carrière scientifique dans la communauté de recherche francophone et sur les 5 continents, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Amérique et l'Europe? On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.